ouais comme ça, c'est dans télé. C'est fou, c'est dans télé. Mensonge, c'est dans télé. Tout ça, c'est dans télé. Et ouais comme ça, c'est dans télé. Peter, c'est dans télé. Jason, c'est dans télé. Bien Michael, c'est dans télé. Et ouais comme ça, c'est dans télé.